Chapitre 3e. Devenir amoureux n'est pas le difficile, c'est de savoir dire qu'on l'est. Valentin, muni de son esquisse, sortit de bonne heure le lendemain. Il commença par la marquise. Un heureux hasard, plus rare qu'on ne le pense, voulut qu'il la trouvât ce jour-là telle qu'il l'avait rêvée la veille. On était alors au mois de juillet. Sur un banc de bois, garni de frais coussins, sous un beau chèvrefeuille en fleurs, les bras nus, vêtu d'un peignoir, ainsi pouvait paraître une nymphe aux yeux d'un berger de Virgile, ainsi parut aux yeux du jeune homme la blanche Isabelle, marquise de Parnes. Elle le salua d'un de ces doux sourires qui coûtent si peu quand on a de belles dents, et lui montra si nonchalamment un tabouret fort éloigné d'elle. Au lieu de s'asseoir sur ce tabouret, il le prit pour se rapprocher, et comme il cherchait où se mettre, « Où allez-vous donc ?» demanda la marquise. Valentin pensa que sa tête s'était échauffée outre mesure, et que la réalité indocile allait moins vite que le désir. Il s'arrêta, et replaçant le tabouret un peu plus long encore qu'il n'était d'abord, s'assit, ne sachant trop quoi dire. Il faut savoir qu'un grand laquais, à mine insolente et rébarbative, était debout devant la marquise et lui présentait une tasse de chocolat brûlant qu'elle se mit à avaler à petites gorgées. La présence de ce tiers, l'extrême attention que mettait la dame à ne pas se brûler les lèvres, le peu de souci qu'en revanche elle prenait du visiteur n'était pas fait pour encourager. Valentin tira gravement l'esquisse qu'il avait dans sa poche, et fixant ses yeux sur Madame de Parnes, il examina alternativement l'original et la copie. Elle lui demanda ce qu'il faisait. Il se leva, lui donna son dessin, puis se rassit sans en dire davantage. Au premier coup d'œil, la marquise fronça le sourcil, comme lorsqu'on cherche une ressemblance, puis elle se pencha de côté, comme on fait lorsqu'on l'a trouvé. Elle avala le reste de sa tasse. Le laquais s'en fut, et les belles dents reparurent avec le sourire. « C'est mieux que moi, » dit-elle enfin. « Vous avez fait cela de mémoire? Comment vous y êtes-vous pris ?» Valentin répondit qu'un si beau visage n'avait pas besoin de poser pour qu'on pût le copier, et qu'il l'avait trouvé dans son cœur. La marquise fit un léger salut, et Valentin approcha son tabouret. Tout en causant de choses indifférentes, Madame de Parnes regardait le dessin. « Je trouve, dit-elle, qu'il y a dans ce portrait une physionomie qui n'est pas la mienne. On dirait que cela ressemble à quelqu'un qui me ressemble, mais que ce n'est pas moi qu'on a voulu faire. » Valentin rougit malgré lui et crut sentir qu'au fond de l'âme, il aimait Madame Delaunay. L'observation de la marquise lui en parut un témoignage. Il regarda de nouveau son dessin, puis la marquise, puis il pensa à la jeune veuve. « Celle que j'aime, se dit-il, est celle à qui ce portrait ressemble le plus. Puisque mon cœur a guidé ma main m'expliquera mon cœur. » La conversation continua. Il s'agissait, je crois, d'une course de chevaux qu'on avait faite au Champ de Mars la veille. « Vous êtes à une lieue, » dit Madame de Parnes. Valentin se leva, s'avança vers elle. « Voilà un beau chèvrefeuille, » dit-il en passant. La marquise étendit le bras, cassa une petite branche en fleurs, il la lui offrit gracieusement. « Tenez, » dit-elle, « prenez cela, et dites-moi si c'est vraiment moi dont vous avez cherché la ressemblance, ou si, en en peignant une autre, vous l'avez trouvée par hasard. » Par un petit mouvement de fatuité, Valentin, au lieu de prendre la branche, présenta en riant à la marquise la boutonnière de son habit afin qu'il y mît le bouquet elle-même. Pendant qu'elle s'y prêtait de bonne grâce, mais non sans quelque peine, il était debout et regardait le pavillon dont je vous ai parlé, et dont une persienne était entr'ouverte. Vous vous souvenez que Madame de Parnes passait pour n'y jamais aller. Elle affectait même quelque mépris pour ce boudoir galant et recherché, qu'elle trouvait de mauvaise compagnie. Valentin crut voir cependant que les fauteuils dorés et les tentures brillantes ne souffraient pas de la poussière. Au milieu de ces meubles à forme grecque, superbes et incommodes comme tout ce qui vient de l'Empire, certaines chaises longues évidemment modernes, lui parut se détacher dans l'ombre. Le cœur lui battit, je ne sais pourquoi, en songeant que la belle marquise se servait quelquefois de son pavillon. Car pourquoi ce fauteuil eût-il été là, sinon pour aller s'y asseoir? Valentin saisit une des blanches mains occupées à le décorer et la porta doucement à ses lèvres. Ce qu'en pensa la marquise, je n'en sais rien. Valentin regardait la chaise longue. Madame de Parnes regardait le dessin de Valentin. Elle ne retirait pas sa main, et il la tenait entre les siennes. Un domestique parut sur le perron. Une visite arrivait. Valentin lâcha la main de la marquise et chose assez singulière, elle ferma brusquement la persienne. La visite entrée, Valentin fut un peu embarrassé, car il vit que la marquise cachait son esquisse comme par mégarde en jetant son mouchoir dessus. Ce n'était pas là son compte. Il prit le parti le plus court, il souleva le mouchoir et s'empara du papier. Madame de Parne fit un léger signe d'étonnement. « Je veux y retoucher, » lui dit-il tout haut. « Permettez-moi d'emporter cela. » Elle n'insista pas, et il s'enfuit avec. Il trouva Madame Delaunay qui faisait de la tapisserie. Sa mère était assise près d'elle. La pauvre femme, pour tout jardin, avait quelques fleurs sur sa croisée. Son costume, toujours le même, était de couleur sombre, car elle n'avait pas de robe du matin. Tout superflu est signe de richesse. Une velléité de fausse élégance lui faisait porter cependant des boucles d'oreilles de mauvais goût et une chaîne de chrysocale. Ajoutez à cela des cheveux en désordre et l'apparence d'une fatigue habituelle. Vous conviendrez que le premier coup d'œil ne lui rendait pas en ce moment la comparaison favorable. Valentin n'osa pas, en présence de la mère, montrer le dessin qu'il apportait. Mais lorsque 3 heures sonnèrent, la vieille dame, qui n'avait pas de servante, sortit pour préparer son dîner. C'était l'instant qu'attendait le jeune homme. Il tira donc de nouveau son portrait et tenta sa seconde épreuve. La veuve n'avait pas grande finesse, elle ne se reconnut pas, et Valentin, un peu confus, se vit obligé de lui expliquer que c'était elle qu'il avait voulu faire. Elle en parut d'abord étonnée, puis enchantée, et croyant simplement que c'était un cadeau que Valentin lui offrait, elle alla décrocher un petit cadre en bois blanc à la cheminée, en ôta un affreux portrait de Napoléon qui jaunissait depuis 1810, et se disposa à y mettre le sien. Valentin commença par la laisser faire. Il ne pouvait se résoudre à gâter ce mouvement de joie naïve. Cependant que l'idée que Madame de Parne lui redemanderait sans doute son dessin le chagrinait visiblement. Madame Delaunay, qui s'en aperçut, crut avoir commis une indiscrétion. Elle s'arrêta, embarrassée, tenant son cadre et ne sachant qu'en faire. Valentin, qui de son côté sentait qu'il avait fait une sottise en montrant ce portrait qu'il ne voulait pas donner, cherchait en vain à sortir d'embarras. Après quelques instants de gêne et d'hésitation, le cadre et le papier restèrent sur la table, à côté du Napoléon détrôné, et Madame Delaunay reprit son ouvrage. « Je voudrais, » dit enfin Valentin, « qu'avant de vous laisser cette petite ébauche, il me fût permis d'en faire une copie. »« Je crois que je ne suis qu'une étourdie, » répondit la veuve. « Gardez ce dessin qui vous appartient, si vous y attachez quelque prix. Je ne suppose pourtant pas que votre intention soit de le mettre dans votre chambre, ni de le montrer à vos amis. »« Certainement non, mais c'est pour moi que je l'ai fait, et je ne voudrais pas le perdre entièrement. » « À quoi pourra-t-il vous servir, puisque vous m'assurez que vous ne le montrerez pas ?»« Il me servira à vous voir, madame, et à parler quelquefois à votre image, de ce que je n'ose vous dire à vous-même. » Quoique cette phrase, à la rigueur, ne fût qu'une galanterie, le ton dont elle était prononcée fit lever les yeux à la veuve. Elle jeta sur le jeune homme un regard, non pas sévère, mais sérieux. Ce regard troubla Valentin, déjà ému de ses propres paroles. Il roula l'esquisse, et allait la remettre dans sa poche, quand Madame Delaunay se leva et la lui prit des mains d'un air de raillerie timide. Il se mit à rire et à son tour s'empara lestement du papier. « Et de quel droit, madame, m'ôteriez-vous ma propriété? Est-ce que cela ne m'appartient pas ?»« Non, » dit-elle assez sèchement, « personne n'a le droit de faire un portrait sans le consentement du modèle. » Elle s'était rassise à ce mot, et Valentin, la voyant un peu agitée, s'approcha d'elle et se sentit plus hardi. Soit repentir d'avoir laissé voir le plaisir qu'elle avait d'abord ressenti, soit désappointement, soit impatience, Madame Delaunay y avait la main tremblante. Valentin, qui venait de baiser celle de Madame de Parne, et qui ne l'avait pas fait trembler pour cela, prit sans autre réflexion celle de la veuve. Elle le regarda d'un air stupéfait, car c'était la première fois qu'il arrivait à Valentin d'être si familier avec elle. Mais quand elle le vit s'incliner et approcher ses lèvres de sa main, elle se leva, lui laissa prendre sans résistance un long baiser sur sa mitaine et lui dit avec une extrême douceur « Mon cher monsieur, ma mère a besoin de moi. Je suis fâchée de vous quitter. » Elle le laissa seul sur ce compliment, sans lui donner le temps de la retenir et sans attendre sa réponse. Il se sentit fort inquiet, Il eut peur de l'avoir blessé. Il ne pouvait se décider à s'en aller et restait debout, attendant qu'elle revînt. Ce fut la mère qui reparut, et il craignit, en la voyant, que son imprudence ne lui coûtât cher. Il n'en fut rien. La bonne dame, de l'air le plus riant, venait lui tenir compagnie pendant que sa fille repassait sa robe pour aller le soir à son petit bal. Il voulut attendre encore quelque temps, espérant toujours que la belle boudeuse allait pardonner. Mais la robe était, à ce qu'il paraît, fort ample. Le temps de se retirer arriva, et il fallut partir sans connaître son sort. Rentré chez lui, notre étourdi ne se trouva pourtant pas trop mécontent de sa journée. Il repassa peu à peu dans sa tête toutes les circonstances de ses deux visites. Comme un chasseur qui a lancé le cerf et qui calcule ses embuscades, ainsi l'amoureux calcule ses chances et raisonne sa fantaisie. La modestie n'était pas le défaut de Valentin. Il commença par convenir avec lui-même que la marquise lui appartenait. En effet, il y avait eu de la part de Madame de Parnes ombre de sévérité ni de résistance. Il fit cependant réflexion que par cette raison même, il pouvait bien y avoir eu qu'une ombre légère de coquetterie. Il y a de très belles dames de par le monde qui se laissent baiser la main, comme le pape laisse baiser sa mule. C'est une formalité charitable, tant mieux pour ceux qu'elle mène en paradis. Valentin se dit que la pruderie de la veuve promettait peut-être plus, au fond, que le laisser aller de la marquise. Madame Delaunay, après tout, n'avait pas été bien rigide. Elle avait doucement retiré sa main et s'en était allée repasser sa robe. En pensant à cette robe, Valentin pensa au petit bal. C'était le soir même. Il se promit d'y aller. Tout en se promenant par la chambre et tout en faisant sa toilette, son imagination s'exaltait. C'était la veuve qu'il allait voir. C'était à elle qu'il songeait. Il vit sur sa table un petit portefeuille assez laid qu'il avait gagné dans une loterie. Sur la couverture de ce portefeuille était un méchant paysage à l'aquarelle, sous verre et assez bien monté. Il remplaça adroitement ce paysage par le portrait de Madame de Parnes. « Je me trompe, je veux dire, de Madame Delaunay. » Cela fait, il mit ce portefeuille en poche, se promettant de le tirer à propos et de le faire voir à sa future conquête. « Que dira-t-elle ? » se demanda-t-il. « Et que répondrai-je ? » se demanda-t-il encore. Tout en ruminant entre ses dents quelques-unes de ces phrases préparées d'avance, qu'on apprend par cœur et qu'on ne dit jamais, il lui vint l'idée beaucoup plus simple d'écrire une déclaration en forme et de la donner à la veuve. Le voilà écrivant. 4 pages se remplissent. Tout le monde sait combien le cœur s'émeut durant ces instants où l'on cède à la tentation de fixer sur le papier un sentiment peut-être fugitif. Il est doux. Il est dangereux, madame, d'oser dire qu'on aime. La première page qu'écrivit Valentin était un peu froide et beaucoup trop lisible. Les virgules s'y trouvaient à leur place, les alinéas bien marqués, toute chose qui prouve peu d'amour. La seconde page était déjà moins correcte. Les lignes se pressaient à la troisième, et la quatrième, il faut en convenir, était pleine de fautes d'orthographe. Comment vous dire l'étrange pensée qui s'empara de Valentin tandis qu'il cachetait sa lettre? C'était pour la veuve qu'il l'avait écrite. C'était à elle qu'il parlait de son amour, de son baiser du matin, de ses craintes et de ses désirs. Au moment d'y mettre l'adresse, il s'aperçut en se relisant qu'aucun détail particulier ne se trouvait dans cette lettre et il ne put s'empêcher de sourire à l'idée de l'envoyer à Madame de Parnes. Peut-être y eut-il à son insu un motif caché qui le porta à exécuter cette idée bizarre. Il se sentait, au fond du cœur, incapable d'écrire une pareille lettre pour la marquise et son cœur lui disait en même temps que lorsqu'il voudrait, il en pourrait écrire une autre à Madame Delaunay. Il profita donc de l'occasion et envoya, sans plus tarder, la déclaration faite pour la veuve à l'hôtel de la Chaussée-d'Antin.